préparer face à cette vie qui m'est offerte. Peu d'acquis m'est offert, les doutes m'étouffèrent. J'aurais aimé tout faire, vu que je suis un de ceux aux avis indexés et envies indécises. Mais je n'ai qu'un essai, juste une vie indécée. Comme tous ici, j'ai viré imbécile. Car devenir adulte, c'est se rentrer dans le crâne. Qu'on ne peut rien changer à ce monde et ses entraves. Et si nous sommes impotents, donc rien n'a d'importance. Mais chacun s'attelle pourtant à lever sa potence. Le nœud coulant tenant, nous coulantement se resserre sans demander consentement. Entre passé et devenir, la corde est tendue. On oublie la présence et l'on finit pendu. Mort sans avoir vécu, absurde est le navire. Si fou qu'on perd sa vie à vouloir la vivre. Spirale inerte évasive, irradie, mon temps libre comme l'animal primaire et oisif qui rapidement s'enivre dans l'ennui, ma liberté vacille, puis va vite dans son lit. À moi l'imaginaire thérapie, je vis ma vie de grande endive, tandis que me dépassent un par un les événements. Je m'enlise dans cette place comme paralysé bêtement. Hélas, la routine m'a pris d'un saut pour m'enlever toutes ces heures, ces années déjà parties en fumée. J'ai la carotide aride passant sous mon nez, le bouquet de fleurs s'est fané, s'est réparti en fumier. Demain où se tracera-t-il? Son allure est folle, comment être un de ma vie sans que la lueur s'étiole. L'habitude si pratique paraît inévitable. Sa figure tyrannique, gravée de rides décimales. Lassitude, vie statique, pathétique mais vitale. Moi je titube, pris de fatigue, amaigri et si pâle. Ramarré jusqu'à ce que sonne le glas. Je préfère m'offrir au récif, qu'importe le cap. Que la houle me chavire et que coule le navire. Qu'importe le coup car court et le cours de la vie. En fait, comme c'est usant d'aller au gré du vent, je regrette, j'aurais dû m'en garder, me donner du temps. En fait, comme c'est usant d'aller au gré du vent, je regrette, j'aurais dû m'en garder, me donner du temps. En fait, comme c'est usant d'aller au gré du vent, je regrette, j'aurais dû m'en garder, me donner du temps. En fait, comme c'est usant d'aller au gré du vent, je regrette, j'aurais dû m'en garder. Le cours de la vie, rester ramarré jusqu'à ce que sonne le glas. Je préfère m'offrir au récif, qu'importe le cap. Que la houle me chavire et que coule le navire. Qu'importe le coup car court et le cours de la vie.